Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Et qu'il bénisse toutes vos prières. Na abariki mama umbienu yote. Et qu'il accorde à chacun ce qu'il a demandé. Na apatie kwa kila mmoja kile aliweza kulomba. Nous allons nous lever. Tout à simama. Exode chapitre 23. Kutoka sura makumi mbili na tatu. Exode 23. Kutoka sura makumi mbili na tatu. Verset 20. Mustara makumi mbili. Voici, j'envoie un ange devant toi. Tazama natuma malaika mbele yako. Pour te protéger en chemin. Vya kukulinda munjia. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Na njo kukufikisha fazi le militairisha. Que le Seigneur bénisse la portion de l'écriture. Bwana abariki kisemu ya neno. Je voudrais demander à ceux qui sont dans le fond s'ils peuvent avancer. Napenda kulomba wewe kule kumkongo kabisa. Occupez toutes les places vides là-bas. Basogee kumbele bekare mafazi kukumbele mbele. Nous saluons aussi nos frères et nos sœurs qui suivent en ligne. Que le Seigneur soit avec eux aussi. Nous poursuivons notre sujet. Une délivrance totale. Beaucoup de choses ont été dites depuis mardi. Bitu mingi binasha kusemea watangia mkazi mbili. Et nous allons ajouter une brique aujourd'hui. Na tutaongeza kwa tena litafari lingine mshuku ya leo. Tout ce qui a été dit. Wabiote libisha kusemewa. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Proverbe chapitre 21. Mezali sura makumi mbili na moja. Peut prendre Proverbe 21. Prenons Mezali sura makumi mbili na moja. Proverbe chapitre 21. Mezali sura makumi mbili na moja. Le dernier verset. Mustari yake ile ya mwisho. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Farasi banesa kumupamba juu ya siku ya mvita. Un cheval, on peut bien l'entraîner, le dresser pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. On peut prendre des dispositions comme un homme. On peut se préparer. On peut mettre de côté une caisse stratégique. On peut apprêter des médicaments dans la maison. On peut prendre des dispositions comme un homme. Mais la délivrance, la guérison, le salut, c'est Dieu seulement qui les donne. Amen. Amen. Psaume 74. Zaburi makumi saba na ine. Psaume 74. Zaburi sura makumi saba na ine. Psaume 74. Psaume 74, verset 12. Zaburi makumi saba na ine mstari kumi na mbili. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Mungu ni mfalme wangu tangia wakati ya zamani. Suivez maintenant. Fuateni mzuri. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Ye ule kuna timiza maukombozi katikati ya dunia. Ula na saidiaka bantu pa dunia. C'est lui qui vient aider les gens dans le monde. Nipaka Yesu Kristo. C'est seulement Jésus-Christ. Ula na tunzaka magonjwa yote nipaka Yesu Kristo. Toutes les maladies, c'est seulement Jésus-Christ. Ula na toshanaka mumamambo nipaka Yesu Kristo. C'est lui qui fait sortir les gens des difficultés, ce n'est que Jésus-Christ. Na Yesu Kristo. Et Jésus-Christ. Ashokolake paka nafsi. Ne sauve pas seulement l'âme. Anekalaka na ngaikia batoto yake mumambo yote tabapata mudunia. Il se préoccupe de ses enfants dans tous leurs problèmes qu'ils peuvent retrouver dans le monde. Njo kwa maana munona Biblia kunasema. Pourquoi vous entendez la Bible parler? Ni Mungu wa ma okovu. C'est le Dieu des délivrances. Ah. Anatoshaka bake batoto mumambo yote tabapata. Il fait sortir ses enfants de tous leurs problèmes. Na eri kwa mwanaume au mwanamke. Heureux à l'homme ou à la femme. Ule Yesu anesha kokola. À celui-là que Jésus a déjà sauvé. Anesha kuya mtoto ya Mungu. Celui qui est déjà devenu enfant de Dieu. Uyuwe tu akusema dada na nduku. Sache bien mon frère et mambo ma soeur. Mambo yote takupata. Que tous les problèmes qui t'attraperont. Iku na jibu ni Yesu Kristo. Ça une réponse et c'est à Jésus Christ. Achezi kokola bantu paka mukiro. Il ne peut pas sauver les gens seulement spirituellement. Ni Mungu anayua kutuangaikia kuibi bintu biote binabakia maisha. C'est le Dieu qui sait prendre soin de nous. Si tu n'as pas à kutulizana. Nous devons être calmes, na kuyo kusema ula rinyokola. Et de savoir que celui qui m'a sauvé. Ni yenjo analetaka jibu kumangaiko yote tenipata maisha. C'est lui qui amène la solution à magumu yote tenipata maisha. Les difficultés qui peuvent m'attraper dans la vie, jamais, tous les problèmes yangu, qui peuvent arriver dans mon ménage, dans ma famille, yangu, même dans mon corps, ule analetaka solution, c'est lui qui amène la solution, ni Yesu Christ. C'est Jésus Christ. Njo vile tunapasha siku bamba yetu imani. C'est comme ça que nous devons retenir Njo dans notre foi. Biblia, voilà pourquoi vous entendez la Bible dit, Psaume 103, Zaburi 103, Psaume 103, 103 ya Zaburi. Ni kitu kia kizuri kabisa. C'est une très bonne chose. Uya mtoto ya Mungu. D'être enfant de Dieu. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Psaume 103. Zaburi 103. On commence par là. Tunaanzia paka pale msara kwanza. Mon âme loue l'Éternel. Nafsi yangu inasifu wa milele. Que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Yote biku ndani yangu usifu jina lake takatifu. Mon âme loue l'Éternel. Nafsi yangu sifu wa milele. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Na usabu hata kimoja cha vizuri vyake. Il ordonne à son âme. Eko na amuri kwa nafsi yake. Il faut dire merci à Dieu. Inafadhali useme asante kwa Mungu. Et n'oublie pas tous ses bienfaits. Na usisaulike byake byote vizuri alifanya. C'est lui. Ni yeye. Qui pardonne toutes nos iniquités. Eko na samehe maovu yetu yote. Amen. Amen. Tous nos péchés. Mazambi yetu yote. Mon âme retient ça. Nafsi yangu shika hii. C'est lui qui a pardonné tous mes péchés, toutes mes iniquités. Samehe mazambi yangu yote, non seulement qu'il pardonne. Apana tu arisame, mais qui guérit. Lakini yeko naponisha. Il ne guérit pas que l'âme. Ashiponisha paka nafsi. Il s'occupe du corps. Eko nangaikia na mwili. Dans lequel habite l'âme là. Mule ndani yamo muku nafsi. Amen. Amen. Guérit toutes tes maladies. Anaponisha magonjwa yako yote. Amen. Amen. Vous êtes là? C'est ce qu'il fait. Dieu qui l'a fait. Et c'est pourquoi c'est une délivrance totale. C'est-à-dire, il ne t'arrache pas seulement entre les mains de Satan, mais il s'occupe même de ton corps, de ta vie, de tes difficultés. Croyez-le comme ça. Et persévérez à confesser qu'il est un Dieu qui prend soin de ses enfants. C'est pourquoi vous voyez dans Exode 23, le verset 20, 21, 22, Exode 23 qui a été lu. Verset 20. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Voyez, c'est-à-dire tout ce que tu auras connu comme difficulté en chemin. Il y a un ange qui va prendre soin de toi. Parce que Dieu n'a pas seulement délivrer Israël des mains de Pharaon. Il a placé un ange qui devait être là pour tous les besoins d'Israël au désert. Il savait qu'ils peuvent tomber malades. Il savait qu'ils auront faim. Il savait qu'ils auront besoin d'un breuvage. Batakuwa lazima na maji. Il a pris soin ariangaikia de s'occuper d'Israël. Apate kubangaikia. Ce qui a été fait au temps d'Israël, c'est ce qui s'est fait Israël maintenant. Dieu ne nous sauve pas seulement spirituellement. Il s'occupe de tous nos problèmes physiques. Amen. Il s'occupe de tous nos problèmes physiques. Regardez même au temps de la Bible. Il y a une femme qu'on appelait la femme tsunami. Amen. Frère, suivez tous les types de la Bible. Un croyant véritable. Un enfant véritable de Dieu. C'est un homme qui vit dans l'assurance totale. Et spirituel et physique. Amen. Ah. Et même matériel, financier, tout ça, Dieu sait prendre soin de vous. Amen. Amen. Regardez cette femme-là. Elle était stérile pendant beaucoup d'années. Mais lakini, l'ange lui a donné une inspiration. C'est pourquoi, frère, même wewe kuipikia banduku au badada kubaita kunyumba kule. Pour préparer pour les frères et les appeler dans votre maison. Cette inspiration là ne vient pas de Satan. Amen. Amen. Ne vient pas de Satan. Akutokei kwa shetani. Acheter une chemise à un frère ou des souliers. C'est toute inspiration là. Ni ile kusukuma kote. Inatokea ni kwa malaika. Ce sont les voies par lesquelles Dieu a toujours cherché comment bénir. Ni manjere Mungu anatafutaka jo kubariki watoto yake. Amen. Amen. Cette dame là. Ule mwanamke. Elle voyait Élisée passer. Akuna muona Elisha. Eko na pita na panda na shuka. L'inspiration l'a saisie. Ile kusukumwa bari mungu. Elle a dit à son mari. Anamwambia mume wake. Cet homme de Dieu. Huyu mtu wa Mungu. Voyez? Naona? Ce serviteur. Huyu mtumishi. Et quand il passe, il est tellement épuisé. Wakati unapita hapa anagana cha kuchoka sana. Il n'y a personne qui l'éloge. Il n'y a personne qui donne à manger. Hakuna mtu anampatia chakula. Moi je voudrais faire ça. Mimi nataka kufanya hivi. Et son mari a été touché dans le cœur. Na mume wake aliguswa moyo. Il a consenti. Alichikire mambo. Amen. Amen. La femme a prêté une chambrette. Ule mwanamke alitarisha kachumba kamoya. Kitanda, même une table. Na ta, ata meza. Et elle a invité Élisée. Na alimwalika Elisha. Et l'a logé. Na alimweka kunyumba. Frère. Banduku. C'était ça pour elle. Ilikuwa kwake yeye. Croire. Kuamini. Amen. Amen. C'était ça pour elle. Ndio ilikuwa kwake yeye. La foi. Imani. Elle a reçu le salut. Alipokea wokovu. Le salut est entré dans sa maison. Wokovu iliingia ndani ya nyumba yake. C'est pourquoi kama mtu anaokolewa voilà pourquoi si une personne est véritablement sauvée. Les bonnes œuvres matendo mema ne sont pas poussées aina ya kumusukuma sukuma. Unanisikia? Est-ce que vous m'entendez? Kama mtu anokolewa si une personne est véritablement sauvée, vitendo vya ba Kristo, les œuvres chrétiennes ce ne sont pas à pousser, à pousser. Ces actes naissent en eux na Mungu, et Dieu anekalaka na lipa yulu adile vitendo. Il paye sur ces œuvres là-bas. Regardez cette femme-là. Mwangali, c'est le type de l'église. Ni mfano wa kanisa. Qui a cru. Il est réamini. Amen. Amen. Élisée est le type de Christ. Elisha ni mfano wa Kristo. Elle a reçu Christ. Alimpokea Kristo munyumba yake. Et Christ. Na Kristo. Ne s'est point contenté seulement. Ashikubakie tu. Du salut dans cette maison. Eko na paka juu okovu mule nyumba pana. Non, non. Quand le salut vient, wakati okovu inakuya, le salut lui-même okovu yenyewe commence à chercher à résoudre tous les autres problèmes physiques. Inaanza kutafuta kuleta jibu kwa mambo yote ya mwili. Munabamba? Est-ce que vous retenez? Lorsque vous êtes véritablement sauvé, le salut qui est entré dans votre vie, lui-même commence à chercher les problèmes dans ta maison que toi tu n'as même pas demandé. Que le Seigneur vous bénisse. Le salut commence à se préoccuper. Il faut tout semer qu'on a ba chef ou ya muhimu kini juu yake. Il faut qu'on parle au roi au grand de ce monde de ce pays pour elle. Et quoi qu'on a malari kani? A telle quelle maladie? Asina na kazi? N'a-t-elle pas d'emploi? Unasikia? Vous entendez? Mais ulemwaminifu. Mais ce croyant. Ule kwa shikwanzi kulomba kazi? Là où il était, ne demandait pas de l'emploi. Ne se préoccupait de rien. Il s'est contenté de la joie du salut. C'est pourquoi nduku na dada. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur. Apana kuya kumambo ya Mungu na souci bakusaidie. Ne venez pas dans les affaires de Dieu avec le souci de qu'on puisse vous assister. Amen. Amen. Ne venez pas avec ces soucis-là aux choses de Dieu afin que vous trouviez des intérêts charnels. Là, vous êtes trompé. Là, vous avez mal agi. Dans les choses de Dieu, nous venons avec le souci de salut. Le reste, il est mabaki. Que Dieu lui-même fasse ce qui est bon lui semblera. Elisha et Gehazi. Discussion kubishana. Unaona je? Tu vois comment? Poser là la et question. Mambo kani. Elle a quel genre de problème? Frère. Banduku. L'ange lui-même descend. Malaika yemu yanashuka. Ouvre les yeux de Gehazi. Anamfungula macho Gehazi. Pour constater que. Tu vas pas te kuona ya kwamba. Dans ce couple. Mui ndoa. Dans cette maison. Mui nyumba. Il n'y a pas d'enfant. Amuna ta mtoto. Ba, ceux qui sont sauvés sont ici. Kule mambo discussion kumbingu iko nafanyika. Là où se faisait la discussion au ciel, toi tu n'es pas là. Ni Mungu ya mwenyewe. C'est Dieu lui-même. Ananza kutafutisha. Il commence à rechercher. Qu'est-ce qui manque dans sa vie? Ni nini ayendeke mundo yake? Qu'est-ce qui ne marche pas dans son ménage? Mwaye bale munekalaka ba kamatiria bantu mambo. Vous qui qui se plaignez devant les gens, apprenez à rester tranquille et calme. Si vous êtes enfant de Dieu, le ciel se préoccupe des enfants de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Là où la discussion s'opère, cette femme, peut-être qu'elle fait la lessive, peut-être qu'elle nettoie les choses, elle fait ses activités. Et le ciel amène la solution. Amen. Amen. Qu'on l'appelle. On l'a appelé. Elle pensait qu'on voudrait lui dire que donnez-nous de l'eau, qu'on donne de l'eau à boire. Ou qu'on donne des produits contre les moustiques. L'année prochaine, tu auras un enfant. Elle a dit que je n'ai pas demandé. L'année prochaine, tu auras un enfant. C'est comme ça que nous les chrétiens nous devons marcher. Qu'on se préoccupe beaucoup que notre vie soit en ordre avec Jésus-Christ. Il est Mabaki. Jésus-Christ paye en son temps. Et qu'on a lipa mwakatiaki. Je crois que apa bateule babiakori bebo ne bisikia. Na mini ya kwamba le véritables élus écoutent ça. Mungu asibakiake na ndeni ya mtoto yake. Dieu ne reste jamais redevable à son Mungu fils. Anangaikiaka bake batoto. Dieu se préoccupe de ses enfants. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Apa kuya mtu akute tompola tompola. Ne soyez pas quelqu'un qui parlote ça et là. Baku tompola frère. Ceux qui doivent parloter. Ni alama kusema ni bantu abana na baba. C'est le signe qui montre que ce sont des gens qui n'ont pas de paix. Je ne vous laisserai pas orphelin. Chite miacha bayatima. Je m'occuperai de vous. Tamiangaikia. Même les veuves. Ata bayani. Retenez ça. Mubambei. Celui qui a dit je suis le mari et le défenseur. Ula lisema niko mume na mukomania bayane. Eko mzima. Voilà pourquoi nos veuves, qu'elles apprennent à rester tranquilles, qu'ils apprennent à marcher et à mener une vie sainte, parce qu'au ciel, il y a celui-là qui a donné sa parole, et sa parole ne vient jamais en vain. Djibou, ça a été trouvé. Le salut Okovu ne se limite pas seulement à une œuvre spirituelle. Aishima mia que tu kukazi ya kiro. Amen. Ah. Si ata kutafuta bukweli. Nous même pour chercher le mariage. Bibi wa miko. Ou chercher une femme à épouser bandiku. Atuangariake ma famille. On ne regarde pas aux familles. Huku kunaonekana kuya faida. Oh là, il y a quand même un intérêt. Apana. Non. Mutoto ya Mungu. Un enfant de Dieu. Anatafuta ka binti wa Mungu. Lui cherche une fille de Dieu. Pour Amalizia Paul. Mambo ya mwili, les choses de la physique, le Dieu que j'ai, tunaweza kuya, tuna na kintu, nous pouvons avoir sans rien, atetupatia biote. Mais le Dieu va nous donner tout ce dont nous avons besoin. Babibi, kufatana na ma intérêt. Ceux-là qui suivent les femmes conformément aux intérêts qui fait ça, c'est la preuve que ce n'est pas Dieu qui les a inspirés. La parole Neno, corrige. Ikuna nyolosha. Amen. Amen. Toute écriture andiko yote natoka kwa Mungu. Pour convaincre. Njua kuhakikishia. Pour reprendre. Njua kukemea. Pour redresser. Na njua kunyolosha. Ba Mungu hapa. Ceux qui sont de Dieu ici. Ils s'alignent. Mwanamke ashaichikake frère. Et une femme n'accepte pas le frère parce que le frère travaille dans un mining. Nous enseignons à nos filles. Celui qui vient s'il est enfant de Dieu, dit oui. Un enfant de Dieu, les bénédictions célestes l'accompagnent. Maintenant, si tu as accepté parce que tu as vu Komika, les gens, les représentants de Komika, c'est comme toi et moi. Un jour, Achine peuvent dire cette affaire ne paye plus. Comme nous décidons sur les cabines et les kiosques, c'est alors que les responsables de Komika aussi, c'est une cabine de téléphone. S'ils voient que ces affaires ne marchent plus bien, ils sont 3 ou 4. Qu'on fasse quoi? Qu'on puisse liquider cette entreprise. DG, combien ça va coûter les décomptes de tout le monde? Payez-les, ça n'est fini. Maintenant, c'est là où tu as placé ton espérance. Là, tu ne comprends pas correctement les affaires de Dieu. Tu ne comprends pas correctement les choses de Dieu. Ainsi donc, Yves Bas. La tsunamite a reçu un enfant pour voir que le salut Bandoukou ne s'arrête pas seulement là-bas. Peu de jours après, l'enfant est tombé malade. L'enfant est mort. Le salut, Okovu, quand on est sauvé, c'est une rédemption, une délivrance éternelle. C'est pour dire quoi? Tout ce que tu connaîtras en cours de chemin, l'ange Malaika est là pour s'occuper de tout ça. Comme l'enfant vient de lui. Vile mtoto natoka ni kwake. Okovu natokia ni kwake. Mais l'enfant est mort. Mtoto yana kufa. La solution à la mort. Jibu kulufu. Vient de Dieu. Iko natoka ni kwa Mungu. Amen. Amen. Mwanamke naye ngara mu Kristo abia kwake. La femme là, la véritable chrétienne. Anasema pana. Elle a dit non. Ular ni pandoa ni Yesu. Celui qui m'a donné le mariage c'est Jésus-Christ. Ular ni bibi ni Yesu. Celui qui m'a donné la femme c'est Jésus-Christ. Celui qui m'a donné l'emploi c'est Jésus-Christ. Comme ça ne marche pas, j'irai seulement chez Jésus. Nous on n'appelle pas la famille. Parce que famille n'est pas beaucoup. Parce que ce n'est pas la famille qui m'a donné le mariage. Amen. Les chrétiens, écoutez et retenez ce que l'ange dit. La femme dit, j'irai chez lui qui m'a donné et l'enfant et le salut. C'est pourquoi, en toute chose, je suis dans Philippiens 4, verset 8. Ne vous inquiétez pas. Derrière. Que faut-il faire? En toute chose, faites connaître vos besoins. Amen. À vos oncles. À vos grands-pères. À vos papas. Faites connaître tous vos besoins à Dieu. Comment? Par la voix de la prière ya et des supplications na ya kumambolezo, et lui na yeye, prend soin. Atangaki ayo. Verset 9. Et la paix de Dieu na salama ya Mungu, qui surpasse toute intelligence ile na pita kili yote, gardera vos cœurs fixés sur Jésus. Yenye kuangaria paka kwa Yesu. Prenez Philippiens 4. Bebeni wa Filipoine. Hii ni kanisa ya Mungu. Ça c'est l'église de Dieu. Tuko ni kukishima. Nous sommes au puits. Kule Rebecca riendaka. Là où était partie Rebecca. Njobile tunapasha kunwa. C'est ce que nous devons boire. Philippiens chapitre 4. Je me suis trompé, ce n'est pas verset 9, c'est verset 6 et 7. Filipoine musara sita na saba. Verset 7. Voyez, 6 d'abord, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Quand vous avez terminé de prier, regardez le premier signe qui montre que Dieu m'a entendu. Si vous priez, dans votre cœur, il doit y avoir la paix. La conviction véritable que Dieu m'a entendu. Déchargez-vous sur lui. Ne vous déchargez pas sur tout le monde à la cité. Et lui prend soin. Et la paix de Dieu. Voyez, eux là, ça lit verset 6 et 7. Et on a omba. Vous priez, vous criez, vous pleurez. Na salama ya Mungu. Qui surpasse à qui il y a bantu bote. Il est napita toute intelligence donc. Ça va saisir tes pensées, ton cœur. Étant fixé sur Jésus-Christ. C'est-à-dire, ça se confirme que la réponse ne viendra que de Jésus. Personne d'autre. Si ta paix. Kama salama yako. Se tourne vers Ngoi. C'est malheureux. La paix de Dieu. Salama ya Mungu. Qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire, ni kusema, tu sens une sécurité. Unashikia ukingo moya. Qui ne vient pas ni des choses physiques. Il a itokea kubitu vya konokana. Ni des choses matérielles. Au bitu vya bumwili bi. Une sécurité, une assurance. Ukingo na akikisho moya inatokea kule kumbingu. Amen. Et qui te dit? Na inakonesha. C'est fait. Isha kufanyika. Yesu a donné la réponse. Anesha kuleta jibu. Et la femme est allée vers Élisée. Na mwanamke alienda kwa Elisha. Et Il arrive vers Élisée. Ana fika kule kwa Elisha. Élisée sans muntu. Elisha comme un homme. Il commence à déléguer son diacre. Anaanza kutuma shemashi wake. Mwanamke anasema pana. La femme a dit non. Mui mambo. Dans cette affaire. Aina muntu. Ce n'est pas une personne. Ni okofu ile dipokelea. C'est le salut que j'avais reçu. Okofu ni muntu. Le salut c'est une personne. Le salut c'est l'homme Jésus. Okofu ni muntu Yesu. Et c'est là le salut. Na mule wakati okofu. C'était l'homme Élisée. Il kwa ni ule muntu Elisha. Et elle a dit. Na yeye alisema ule mwanamke mokozi. C'était Élisée. Il kwa ni moko Elisha. Jésus. Ule muntu Yesu. Pas un homme. Apana muntu. Pas un prédicateur. Apana mubiri. Amen. Amen. Et Élisée, écoutez comment la femme là a parlé. Si Élisée n'y voulait mon amour qu'elle s'est maca. On peut lire ça, c'est dans 2 Rois, chapitre 4, je crois. Tu sommes ma femme et ma pili sura kiaine. J'ai besoin d'une bonne déclaration de cette femme. Nous on a peine dans les semes mesures il y a s'est maca. 2 Rois. Ma femme. Chapitre 4. Ma femme ma pili sura kiaine. Regardez le verset 30. Verset 29, Élisée dit à Géasi, Wende, Ufanyevi. Mwanamke mu verset 30, la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant. Mungu ule tuku naomba ni Mungu mzima. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. Je n'ai pas besoin des gens, les gens passeront. Mais Jésus-Christ, c'est un Dieu vivant. Et ton âme est vivante. Amen. Amen. Eh, je suis où? Je ne te quitterai point. Amen. Amen. Amen. C'est comme ça que les chrétiens résistent avec Jésus. Je n'abandonnerai pas. Je ne laisserai pas Jésus-Christ. Je ne laisserai pas les affaires de Dieu. Que Ngoï soit, vienne au deuil. Ce n'est pas un problème. Que les diacres ne viennent pas me visiter, ce n'est pas un problème. Le Dieu que j'ai cru, c'est un Dieu vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Et non pas comme ces frères et ces sœurs que nous avons. Un enfant meurt. Elle fait bouger tout le monde au quartier. Mais quand il est à l'église, lui ne vient pas. C'est quel genre de chrétien que nous avons? Vous cherchez que l'église vienne. Mais toi, tu as cru Jésus-Christ. Regarde ceux qui ont cru véritablement. Ils n'avaient pas bougé. On lui avait envoyé Géasi avec un bâton. Le diacre avec toutes les contributions. Elle a dit que non, dans cette affaire, j'ai besoin de Dieu. Je n'ai besoin que de Dieu, pas des gens. Maintenant vous voyez, donc j'ai quitté l'église parce qu'il n'était pas venu me visiter. Tu as cru les gens ou tu as cru Jésus-Christ? De fausses foi. Quand Dieu délivre, délivre totalement. De toutes ces fausses idées. De tous ces intérêts matériels. Amen. Amen. Moi j'ai besoin de Dieu. Et regardez comment Élisée a parlé. Non, c'est pourquoi frère, hein? Ma soeur, nous ne venons pas à la prière comme une tradition de l'église. Nous venons à l'église parce que dans notre âme il y a de l'amertume et une prière fondée sur une amertume dans le cœur, une souffrance intérieure qui désire Dieu. Cette prière a une réponse de la part de Dieu. Regardez comment l'homme de Dieu a parlé. verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. C'est quoi ça, le respect? Géasi s'approcha pour la repousser. Ces choses sont des types. Amen. Mais l'homme de Dieu wa Mungu dit, akasema, laisse-la. Umwachilie. Cette femme avait cru que le salut c'est cet homme ici. C'est Jésus-Christ pour qui nous nous prosternons. Il a dit à Géasi, laissez-la. Ce qu'elle fait ici, c'est le type de ceux qui croiront dans le Nouveau Testament. Et il commencera à discerner que le Dieu adoré, le Dieu pour qui il faut s'agenouiller, c'est seulement Jésus-Christ. Et en ce temps-là, Jésus était Élisée. La Bible a des choses très sérieuses. Car laisse-la. Son âme est dans l'amertume. Amen. Amen. Et l'Éternel na wa milele me l'a caché. Et ne me l'a point fait connaître. Na amen. Amen. Dieu ne dit pas toutes choses au prophète. Mungu asema ke vitu vyote kwa nabii. Haipashi kuwa na ile maimani ya matoneri. Ne pas ces fois là des tonneristes. Le nabii anayua yote. Hapana. Ne connaît pas toutes choses. Ashijue vitu vyote. Ici. Hapa. C'était Dieu lui-même. Ilikuwa ni Mungu yeye mwenyewe. Anasema ile buchungu. Il a dit que cette amertume. Wa kuleta jibu kwa ile buchungu. Celui qui doit mettre la réponse à cette amertume, c'est seulement Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi si ma mambo yetu. Je commande nous nos problèmes, nos préoccupations à nous. Nous ne les amenons qu'à Jésus. Si tu as cette habitude d'amener tes préoccupations aux gens, tu es un raté. Tu es l'échec de cette église. Amen. Amen. Regardez maintenant. Quand l'homme de Dieu, le Saint-Esprit la saisi. Wakati mtumishi wa Mungu Roho Mtakatifu alimshika. Alisema pana. Je suis le type de Christ. Niko picha ya Kristo, mfano wa Kristo. Dans cette affaire. Mui mambo. C'est Christ lui-même qui doit aller. Ni Kristo yeye anapasha kwenda. Juu ya nini? La délivrance. Ukombozi. Appartient seulement à l'Éternel. Yo iko tu paka ya wa milele. Kiso. Nanye unakoa. Qui délivre. Nanye unakomboa. Qui ressuscite les morts. Nanye unafufura bafu. Qui guérit. Nanye unaponyesha. Qui donne du travail. Nanye unaleta kazi. Seulement le ciel. Kambingu. Jésus. Yesu. Élisée a réalisé ça. Na Elisha alitambua ile. Analamuka anasetwe. Il s'est révélé a dit allons. Tu as un bon discernement. Uko na kutambua kwa kuzuri. Christu, les chrétiens. Banayuwaka, ils savent discerner les choses. Iyi, ça. Mungu ndio analeta kajibu. C'est Dieu qui donne la réponse. Que je ne puisse pas embrouiller le pasteur au diacre. Que je puisse crier à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Élisée est allé. Elisha rienda. Pour prouver que c'était lui. Le salut. Frère, il trouve l'enfant. Il se met sur l'enfant. En position de la croix. Mon problème trouve solution seulement à Golgotha. Et on n'a pas ta jibu tout par Golgotha. Kino kwa kino, bouche contre bouche, main contre main. Frère, il s'est mis en position de la croix. Arijueka mwali ya msalaba anasema toute solution. Jibu yote. Toute maladie. Magonjwa yote. Tout problème. Mambo yote. Dieu a donné la solution. Mungu aleta jibu. A Golgotha. Ku Golgotha. Maintenant quiconque croit. Sasa yeyote anaamini. Golgotha a la réponse. Anaamini Golgotha yeko na jibu. Amen. Amen. C'est comme ça que nous devons croire. Si yetu, nous, nos problèmes, nous avons avec cela à Golgotha. Mungu, où notre Dieu, mungu, dans la chair humaine, arifariki, était mort. Arilalati, il était dormi par terre. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi le salut bandou doit être total. Celui qui nous sauve, il se préoccupe en toutes choses pour nous. Voilà encore un autre type. Tazamatena mufano ingine. C'est l'histoire du bon samaritain. Ni adisi ya huyu msamaria mwema. Frère, avant que je ne vous lune, bila mi kuendelea, regardez comment un général syrien a parlé. Vile ule jemadari wa msiria alisemaka. Cet homme-là était lépreux. Ule muntu alikuwa ni wabukuma. Amen. Amen. C'est ça le péché et la lèpre. C'est ça le type du paganisme. Maintenant, il y avait un enfant là-bas. C'est le type du Saint-Esprit. C'est le type de l'ange. Cette fille était bonne chez ce général là-bas. Tout ce qui est écrit. A une représentation exacte dans le Nouveau Testament. Bikuna kionyesha kwa kuoneana mwagano jipya. Cet homme-là, ule muntu, il ne cherchait pas Dieu. Ashikuwa natafuta Mungu. Comme toi et moi, on ne cherchait pas Dieu. Atukwanza kumtafutaka Mungu. Nous vivions autrefois. Tulikuwa naishi zamani. Selon le train de ce monde. Kufatana na hali ya hii dunia, mwenendo ya hii dunia. Amen. Et Dieu, na Mungu, est venu nous chercher. Alikuja kututafuta. Amen. Naman. Naman. Vivait en Syrie. Alikuwa naishi Musiria. Mwenye kuwa na bukumu. Pas de solution. Akukwe jibu. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu, l'ange du Seigneur, malaika wa Bwana, est allé le chercher. Alienda kumtafuta. Paka vya alikuwa kututafuta na shei. La fille constate. Ule biti akaona. Que quelque chose peut être fait pour ce mari. Ya kwamba kitu kwa inaweza fanyika jo kwa huyu mtu mwenye ule. Ici là où il se trouve. Lakini hapana huyu inchi eko. Il doit aller. Anapasha kwenda. Vers le Dieu d'Israël. Kwa Mungu wa Israeli. Le Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Elle s'adresse. Na anamonesha. À l'église dénominationnelle. Ule kanisa kizebu. Naman était membre d'une dénomination. Naman alikuwa member wa mzebu mwa fulani. Le Saint-Esprit saisit le pasteur dénominationnel. Roho Mtakatifu kashika ule mchungaji wa kizebu. Les gens du tabernacle, c'est vrai, ils ont la parole de Dieu. Cela est tombé dans nos oreilles. Oh, il est rianguka mon mashikio yetu. Naman a dit, je m'en vais. Je m'en vais écouter les gens du tabernacle. Naman arrive. Naman anafika mu Israeli. Il ne comprend pas. Ya chelewe. Comme certains. Lors de leur baptême, paka vile batu bengine wakati ya ubatizo yabo, wakati ya kujeuka kwabo, abakuelewe kitu. Bananzi kwenda kwa baba pasteur. Ils sont commencé à partir chez les papa pasteur, chez les papa diacre. Non. Naman anakotola nenda kwa roi. Naman, il s'est trompé, il est parti chez le roi. Donc, le salut ne se trouve pas chez les gens. Naman anakotola nenda kula okokalake. Naman s'est trompé, il est parti là où il n'y a pas le salut. C'est comme ça que certaines personnes arrivent ici. Lui, il est parti chez le pasteur. Le pasteur ne sauve personne. Il faut kwenda kwa Yesu. Il n'a pas à aller de partir chez Jésus. Et Jésus, en ce temps-là, il connaît Elisha. Amen. Amen. Élisée en a pas tabal. Elisha. L'ange du Seigneur. Il informé que malaika wa Bwana. Elle est venue à l'endroit qu'il faut. Anafika fazi na fazali. Tu es venu à l'endroit qu'il faut. Unafika fazi ya kufa. Le Saint-Esprit voyant que. Roho Mtakatifu kuona kwamba. Tu ne comprends pas bien les choses. Aolewe mzuri vitu vya Mungu. Toi tu veux t'attacher au sœur. Wewe unapenda kuambatana na banduku na badada. Tu veux t'attacher au conducteur. Unapenda kuambatana na baongozi. C'est pas ça le salut. Aina njoo ile yenye kwa ukovu. L'ange te parle maintenant. Malaika anakuambia mangaribi. Voyez-vous que l'ange est ici. Eti mnaamini sema malaika yuko hapa. Mie ndio kunanyorosha kuamini kote kule kwa bongo bongo. Sababu kwako kuamini. Ni kunamata kwa nduku na kwa dada na kwa pastori. Malaika anakuonesha sasa. Hapana, haina njoo vile. Abatumia neno mfano. Non non. Dites à cet homme de venir ici. Elisha katuma neno kwa mfalme akasema ambie ule mtu akuye huku. Inafadhali kwenda kwa Yesu. Amen. Amen. Une autre erreur. Kosa ingine tena. Lui croit que. Yanaamini ya kwamba. Anala vers Elisha. Mkwenda kwa Elisha. Il faut qu'on tienne compte. Inafadhali bapate kuangalia. Son rang social. Ile kimo yake ya mwasha vile kuna ishi. Mimi waza sema hapa mimi itafika. Je pensais que quand j'arriverai il sortira. On va me recevoir. Comme je suis baptisé. Les frères viendront chez moi et les sœurs. Japo ne fume pas cela. Je pensais comme que je suis une grande personne, ils viendront me visiter. Ce n'est pas ça. Lorsque vous croyez, humiliez-vous. Ressemblez aux petits enfants. Vous fanez les bateaux qui dorment. Les enfants obéissent seulement. Bateaux, tu regardes, on a dit tout. Maintenant ici les élus écoutent les choses très correctement. Certaines choses disent que un chrétien a une Bible et il lit la Bible. C'est ce que j'ai dit. Ça se trouve dans Wafalme wa Pili. chapitre ikuwapile mambo unaona ineni kuya pake hivi ah mu chapitre 5 sura kia ine njomule histoire c'est là où se trouve cette histoire. Anafika kwa Élisée. Il arrive chez Élisée. Frère, Banduku, Dieu pour te sauver. Mungu njo kukuokoa. Pour te guérir. Njo kukuponyesha. Ce n'est pas nécessairement qu'il faut t'imposer les mains. Ana tu kwa gafu akuweke paka mikono hapana. Faites ce qu'il vous dira. We fanya tu kile atakuonesha. Amen. Amen. Faites seulement ce qu'il vous dira. Fanya tu kile atakuonesha. Amen. Amen. Il arrive seulement le Saint-Esprit, Rome Takati, l'ange du Seigneur, Malaika Obwana, a déjà discerné tout ce qu'il y a en lui de faux. Anisha kutambua biote bikundani yake bia bungu. Et de là où il était, kule rukuya, le Saint-Esprit lui dit, Rome Takati funaonesha, va aux eaux de baptême. Ende kumaji wa batizo. Repens-toi, utubu, et tu seras sauvé. Na utaokolewa. Ananza bubisha. Il commence à s'opposer. Moi, une grande personne. Les diacres, les petits congrégés, commencent à me baptiser. Ouais, titu kongozi ya Roho Mtakatifu. Fais ce que le Saint-Esprit te dit. Fanya kile Roho Mtakatifu nakuonesha. Uriba dim. Tu as volé la dîme. Kuya uliza mchungaji sasa ifo kutengeneza. Viens demander au serviteur de Dieu qu'est-ce qu'il faut faire. Tu as volé l'argent d'autrui. Allez voir celui à qui vous avez volé. Dis-lui que j'avais volé l'argent, c'était comme ça, comme ça et comme ça. Amen. Et Amnaman, ce serviteur l'ont encouragé. Ils ont dit allons, allons quand même. Amen. Amen. Anafika kumai, vous connaissez l'histoire. Il arrive aux eaux, on a joué d'ici. Il a toujours des pensées, des raisonnements, des imaginations. Ici, on va me mettre dans l'eau. Mais ça va faire quoi? Frère, Banduku. Tout commandement de Dieu, derrière ce commandement, il y a la vie. Il y a le salut. Il y a la guérison. Il s'est jeté 7 fois dans le fleuve. Amen. Amen. 7, ça dit quelque chose. Ça va, il n'a pas encore quitté qui m'a aidé. Oui, malizisha. Oui, comme l'achèvement. Malizisha. Kufatana na Mungu. Anatoka hivi. Il est sorti. Un cœur nouveau. Moyo mupia. Un esprit nouveau. Roho mupia. Et la vie de Dieu. Na buzima bwa Mungu. Jono stuka se. Il s'est retrouvé. Donc c'est une chose réelle. Analuria sasa kwa Mungu. Il est retourné maintenant chez Dieu. 2 Corinthiens 2 Rois 5. Wafalme wa pili. J'ai besoin juste d'une verset, d'une écriture là. Deux Rois 5, verset 15. Naman retourna vers l'homme de Dieu. Naman akarudia kwa mtu wa Mungu. Avec toute sa suite. Na bote barikuwa nabo. Lorsqu'il fut arrivé, wakati tu arifika, il se présenta devant lui et dit, mbele yake na kusema, voici, tazama, c'est la phrase que j'ai cherché. Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Natambua ya kwamba kuna Mungu hata moja pa dunia pote pazima. Si ce n'est Jehovah. Kama tu aina Yehova. Celui qui sauve les gens, c'est seulement Jéhovah. Celui qui pardonne les péchés, c'est seulement Jéhovah. Celui qui guérit tout le monde, c'est seulement Jéhovah. Celui qui donne de l'emploi, des enfants, c'est seulement Jéhovah. Mungu wa Israël. Jésus Christ. C'est lui que nous adorons. Amen. Amen. Regardez, je termine par une parabole. Mwangalie mita Aisha maliza na fumbo moya. Ndugu na mimi unafasiria mzuri mkusema hivi. Aseme ma mfumbo yote. Il a dit que toute parabole. Pa kuelewa mzuri. Pour mieux comprendre cela. Kama uyakwendaka ku Israel si au tele. Si tu n'es jamais parti en Israël, tu ne comprendras pas correctement les paraboles. Parce que la Bible. Kitabu kilitoka kule ku ni kumangaribi ni kusubuhi mnaita. Kwasubuhi. Kwasubuhi. Parce que ce livre est venu de l'Orient. Frère. Banduku. Imi kuna sema c'est dans Luc 10. Ce que j'ai dit ni Luka 10. Oui. L'histoire du bon samaritain. D'ici, il y a le Samari, il y a moins de 10 minutes. Nous avons 10 minutes. Luc chapitre 10. Luca sura ya 10. Et c'est par là que je vais terminer. Na njo pale nitashimamia. Les chrétiens sont là. Si lorsque nous venons à l'église, c'est pour que des fausses choses nous quittent, les troubles nous quittent, et ce désordre-là puisse nous quitter, je sors avec une grande lumière. Je vous ai dit l'autre jour que regardez Jésus. Lorsqu'il sauve une personne, lorsqu'il accomplit une œuvre dans une personne, confusion, désordre, tout mouvement est sorti. Là, de tout dénominationnalisme est j'avais sorti. J'avais pris l'exemple du jeune homme aveugle là. Vous allez lire ça, c'est dans Marc. C'est d'être Marc 7 ou Marc 8, je crois. Marc sur Amunane. Ce jeune homme était aveugle. Jésus a prié pour lui. Il a piqué la boue sur les yeux, il a dit, as-tu vu? Il a dit que je vois les gens comme des arbres qui marchent. Jésus-Christ avait dit non, des arbres, des hommes comme des arbres. Dieu te sauve et qu'il y ait encore la confusion en vous. Non, non. Non. Donc j'ai déjà cru, cependant, voyez, dans notre tribu, il y a des choses qui sont correctes. Il est ni mouvuruko. Que tout homme soit reconnu pour Mungu wote apate kumtambua sa mudanganyifu na Mungu pekee apate kwa kweli. Ukweli ni paka Mungu pekee. Oh. Je vois bandugu. Dans le monde, il y a quand même des bons conseils. Mushauri wetu. C'est la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu. Ce jeune homme est resté. On dit parfois, il faut faire ceci. Ça, c'est la confusion. Voilà pourquoi Yesu Arumbe Batena, il a dit non. Le salut ne s'est pas bien fait. Amen. Amen. Et toi aussi, si tu es encore, Ndoku, sœur, tu prends encore un peu de Yamudunia. Il y a un peu de ta tribu, kidoko kia mukabila yako, un peu de la politique, kidoko na vya kumsiasa. Hapana, nous marchons chez tout, tunatembea dans la parole, ndani ya neno, nous demeurons dans la parole, na tunadumu paka muneno. Amen. Amen. Luc 10 verset 30. Luka 10 mstari wa 30. Regardez le verset 30 ici. Mwangalie mstari wa 30 hii. C'est la réponse à une question. Ni jibu kuulizo. Regardez, l'histoire commence au verset 25. Hii hadithi inaanza mstari wa 15. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bwana, mimi napasha kufanya nini njoo kuriti uzima wa milele? Yesu anajibu. Jésus a répondu. Fanya, utapenda wa milele, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, yako, de tout ton âme, yako, de toute ta force, yako, de toute ta pensée. Na, upende jirani wako sa wepe. Et ton prochain comme toi-même. Ule mwalimu ule wa Bayuda anasema, basi jirani ni nani? Il a rétorqué en disant que le prochain c'est qui? Il attendait la réponse de Jésus-Christ. Il voulait que Jésus lui dise que le prochain, c'est seulement ceux de ta tribu, c'est seulement ceux de ton église. Vous voyez, Ndoukou, les belles femmes, c'est seulement de ma tribu. Non, tu vois, nous les Kassayens, vous voyez, nous sommes comme des Juifs. Qui vous a séduit? Qui vous a dit un tel mensonge? Chez les bongo ya non, ville. Il faut épouser seulement celle de notre tribu, afin que les enfants parlent une même langue. La question ici, qui est mon prochain? Qui attendait que Jésus vienne? Pour soutenir, ça veut dire quoi? Pour kankamisha. Des choses pour dire, ton prochain c'est seulement les Juifs. Dieu a kusema, jirani wako ni paka muyuda. Ton prochain c'est seulement les frères et les sœurs. Jirani yako ni paka ndugu na dada. Tu as profité. Pour qu'il puisse en profiter. Frère, c'est ta famille biologique. Jirani yako ni paka jamaa yako mumwili. Jésus reprit la parole. Akabeba tena sauti. Et dit, na kasema. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Mtu mmoja anatoka kwa Yerusalemu kwenda kwa Yeriko. Anaacha mambo ya Mungu. Il a laissé les choses de Dieu. Il est retourné dans le monde. Il est tombé au milieu des brigands. Akanguka katikati ya bajambazi. Ma démon na murekipere. Et les démons banambamba na mshika. Non. Voyez, mambo ya Mungu. Abandonne les choses de Dieu. Mudunia, kubea mashauri ya mudunia. Vous retournez dans le monde pour prendre des conseils là-bas. Vous voulez que tu sois épousé conformément à ta tribu. Les démons vont t'attraper. Amen. Amen. Et cesse seulement d'abandonner cette parole de Dieu. Je ne dis pas de quitter Kambof Tabora. Et cesse seulement d'abandonner la parole de Dieu. Et prendre quelque chose de dehors. Bajambazi. Batakulukia, batangukayuya. Na bajambazi ni banani. Mwende mwiwane sura kumi. Ni shetani na mademon. Les démons. Il est dépouillé. Les chargeurs de coups. Et s'en allèrent. Les laissant à demi mort. Heureusement qu'il a été abandonné à demi mort. N'était pas encore mort. Je ne veux pas trop commenter sur ça. Je pende que tafsir ça n'a pas eu. Verset 1. Un sacrificateur Mukowani, moya, qui fortuitement descendait par le même chemin. Oule tu kwa bati akashukia mule njia moja moja. Papa baubiri ya mazeb. Les prédicateurs dénominationnels. Vous trouvez une personne ivrogne, païen, adultère. Vous ne vous préoccupez pas de son salut. Viens seulement dans notre église, c'est fini. Cette personne est païenne. On la laisse comme ça. Le problème du salut pour eux, ça ne leur dit rien. Voilà pourquoi vous allez trouver dans toutes les églises de Kambovici, ils n'ont pas le problème de prêcher l'évangile pour le salut des gens. Viens seulement, on va vous délivrer. Tu auras un emploi. Mais cette personne-là n'est pas encore sauvée. Les cerveaux sont pleins en lui. Que le Seigneur vous bénisse. C'est comme ça qu'une église a débuté là, à côté de chez nous là-bas. Depuis le matin, des cris. Maintenant, comment est-ce qu'ils ne sont pas sauvés? Beaucoup de bruit comme au stade. Il l'a laissé, il l'a abandonné. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, voilà, oui, n'ayant vu passa outre, ça demandait le salut. Ces prédicateurs-là ne sont pas dans les affaires du salut. Oh frère, oh bandoukou, et aussi, ils prêchent aussi la croix. Padre. Un abbé qui prêche la repentance. Toutes ces églises ici. Les Zambé Malamou et toutes ces autres églises. Est-ce que vous les avez déjà entendu dire repentez-vous, réparez votre vie. Passe outre. Bobe qu'on a pita mpembeni. Amen. Amen. Amen. Toute personne est un pécheur. Sababu, eux-mêmes sont des prostituées, des voleurs. Le salut ne leur concerne pas. Amen. Amen. 33. Un Samaritain qui voyageait était venu là, arifika pale, ému de compassion. Mwenye kushikwa na huzuni, anamshikilia buluma. Le Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Il a vu que si je les laissais ainsi, non, ils ont besoin du salut. Les laisser comme ça, non. Ils ont déjà attrapé par les démons. Amen. Amen. Il s'approcha. Aka Karibia, banda se plaît. Aka funga bidonda yake. Aniversant de l'huile et du vin. Mwanga po mafuta na vinyu. Puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie. Akambov, mon frère. Mukambov, Akambov. L'hôtellerie de Dieu. Hôtellerie à Mungu. N'y a pas. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est? Naona kama nasema yule chumba mwa kutafsiri kwingine banasema fazi ya kuikaria ya mumuji l'auberge fazi ya kuikaria ni maison de passage ni nyumba ile mtu anaweza kuikala mbele kwa napita Kambof Tabernacle tukuna kuyamo comme des pèlerins et des voyageurs sawa safiri na wapita njia Ici, apa, c'est le lieu où nifazile, les voyageurs à destination du ciel bapita njia bakwenda kumbingu bwe unapitia hapo. Et que fait celui qui nous a amené ici? Nani, nini kunafanya leo tulete hapa? Banduku. C'est lui qui est allé nous chercher dans le monde. Ule renda kututafuta mudunia. Et nous amène à l'hôtellerie. Anatuleta ifazi yake. À cette hôtellerie là. Pa ifazi ya kukaria au kufazi ya kuikaria. Peko muntu mkubwa mkubwa mwenye bujito wa ile fazi ya kupangia na yeye anamwambia Ngoi, anasema angaikia ya bakondwe yangu. Petro, si tu m'aimes, kama unanipenda lisha bakondwe yangu. Petro, si tu m'aimes, kama unanipenda angaikia bakondolo yangu Ngoi, na anampatia Ngoi ma talanta mbili. Musome le nafuata. Le salut, okovu, et la guérison. Na uponyaji. Ça c'est le messager de l'âge. Hii ni ujumbe wa mwikizazi. Alitufunulia hayo. C'est pourquoi. Jo kwa man. Le veri, la véritable hôtellerie de Dieu. Fazi ya kupangia ya mzuri ya Mungu ya kweli. Kuna pata hapo. Une parole. Neno moja. Qui sauve les gens. Hii kuna okoa batu. Non seulement sauver. Hapana tupa kuokoa. Nafsi, mais une parole. Neno moja. Qui sauve même de leur vie. Hii kuna angakia ta maisha yabo yote. L'enseignement. Mafundisho. Amen. Amen. Nous avons non seulement l'évangile. Tuko apana paka na injili. Il y a aussi l'enseignement. Kuko tena na mafundisho. Amen. Amen. Et lui dit. Na kamonesha. Quand je reviendrai. Wakati ntarudia. Yote bilo tafanya. Tout ce que tu feras. Takuripa. Je paierai. Bonne mbari. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes. Tuko. À l'auberge de Dieu. Kufazi ya kupangia ya Mungu. Maintenant vous les frères et sœurs, vous qui êtes là, mufate Mungu. Le puits où Rebecca est venue c'est ici. Kishima kule Rebecca kuya ni hapa. L'auberge où le Seigneur nous a placé. Fazi ya kupangia pale bwana tuweka ni hapa. Sur toute la cité de Kambo. Mui mji wote Kambo. L'auberge de Dieu. Fazi ya kupangia ya Mungu ni hapa. Le gardien de l'auberge. Na mchungaji wa fazi ya kupangia ni Ngoi. Sasa Ngoi, Bwana anampatia matalanta mbili. Et la parole de l'évangile. Na neno ya injili. Et la parole de l'enseignement. Na neno ya mafundisho. Juu ya nini? Pour prendre soin des brebis. Juu ya kuangaikia bakondolo. Amen. Amen. Voilà pourquoi. Njo kwa maana. Nous ne nous attachons pas à un homme. Chatu la mate kwa muntu. Nous venons. Tuko nakuya. Benye kuja kusema hapa. C'est le lieu où Dieu doit nous nourrir. Ni fazi le Mungu anapasha kutulisha. Mungu anapasha kutuangaikia. Toutes les fois. Joko maana mwakati yote. Le prédicateur monte ici. Mubira napanda hapa. Il a en lui. Eko ndani yake. Na ile matalanta mbili. Une parole de sanctification. Neno ya utakaso. L'évangile pour les salut. Injili njoo ya wokovu. Et aussi l'enseignement pour positionner votre foi. Fundisho njoo kushimamisha mzuri imani yenu kufika na kurudi kwa ule mtu wa kusamaria mwema Bwana wetu Yesu Kristo. Naona wakati anatukomboa, wakati anatubeba tukue bake, eko natuangaikia mubioti. Sasa vile eko ni roho, eko naweka sasa batu. Bwana amibariki. Est-ce que binengia? Est-ce que cela entre? Ça c'est pas tout ya Mungu. Maintenant les enfants de Dieu. Mubambe paka kile roho na sasa. Retenez seulement ce que dit l'esprit. José n'est rien. José ana kitu. Mais l'ange qui est à côté de moi. Lakini malaika yuko pembeni yangu. Celui qui m'instruit. Niye kunaniambia. Celui qui me dit ça. Niye kunionyesha sema hivi. Sababu les brebis du Seigneur. Huko bakondoro ya Bwana. Bale. Dépouillé par Satan. Shetani shakora shabanyanganya byote. Leur a donné des coups. Arba pika mangumi. Ils n'ont pas la vision. Bana na mkuona kuzuri kwa bitu. Il confond beaucoup de choses. Beko na vuruka mabitu bya mingi. Nous allons nous tenir debout. Mais c'est ma ta frère Branham. Je n'ai même pas lu Ndugu Branham aujourd'hui. Tout aomba Mungu sisi zote. Prions tous notre Dieu.